Ces signaux sont de couleur jaune, ce qui signifie que le danger qu'ils annoncent est temporaire. D'autre part, ils sont toujours situés à 150 mètres environ du danger qu'ils signalent en rase campagne. Les panonceaux précisent la nature et l'étendue du danger. Ici, je risque de rencontrer des nuages de fumée sur une étendue de 400 mètres environ. Réponse B et C.